2016. Première émission de l'année. Est-ce que ça va bien, monsieur, Grenier? Je me souvenais même plus de votre nom. Oh, mon dossier. Je vous dis que cette nouvelle année nous amènera beaucoup, beaucoup, beaucoup de turbulences. Là, si vous vous posez la question, monsieur, est-ce que ça va bien? Je vous répondrai ceci. Oui, je mange mes 3 pas par jour. Mes selles sont consistantes. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! La soupe à mon ami, j'en parlerai toujours. La soupe à mon ami, j'en parlerai toujours. Pour faire la bonne soupe, il faut hacher des choux. Pour faire la bonne soupe, il faut hacher des choux. Des choux, des gros choux, des petits choux, des moyens choux, toutes sortes de choux, il faut des choux. Du sel, du poivre, de la cannelle, du clou de girofle, puis des feuilles de laurier. La soupe à mon ami, j'en parlerai toujours. La soupe à mon ami, j'en parlerai toujours. Pour faire la bonne soupe, il faut trier des pois. Pour faire la bonne soupe, il faut trier des pois. Des pois, des petits pois, des gros pois, des moyens pois, toutes sortes de pois, il faut des pois. Oh, des choux, des gros choux, des petits choux, des moyens choux, toutes sortes de choux, il faut des choux. Du sel, du poivre, de la cannelle, du clou de girofle, puis des feuilles de laurier. La soupe à mon ami, j'en parlerai toujours. La soupe à mon ami, j'en parlerai toujours. Pour faire la bonne soupe, il faut y mettre du riz. Pour faire la bonne soupe, il faut y mettre du riz. Du riz, du gros riz, du petit riz, du moyen riz, toutes sortes de riz, il faut du riz. Oh, des pois, des gros pois, des petits pois, des moyens pois, toutes sortes de pois, il faut des pois. Oh, des choux, des gros choux, des petits choux, des moyens choux, toutes sortes de choux, il faut des choux. Du sel, du poivre, de la cannelle, du clou de girofle, puis des feuilles de laurier. Là, c'est pas mon ami, j'en parlerai toujours. Là, c'est pas mon ami, j'en parlerai toujours. Pour faire la bonne soupe, il faut y mettre des pâtes. Pour faire la bonne soupe, il faut y mettre des pâtes. Des pâtes, des grosses pâtes, des petites pâtes, des moyennes pâtes, toutes sortes de pâtes, il faut des pâtes. Oh, des riz, des gros riz, des petits riz, des moyens riz, toutes sortes de riz, il faut du riz. Oh, des pois, des gros pois, des petits pois, des moyens pois, toutes sortes de pois, il faut des pois. Du chou, des gros chou, des petits chou, des moyens chou, toutes sortes de chou, il faut des chou. Du sel, du poivre, de la cannelle, du clou, du girofi, des feuilles de laurier. Laisse pas mon ami, j'en parlerai toujours. Laisse pas mon ami, j'en parlerai toujours. Pour faire la bonne soupe, il faut y mettre des bines. Pour faire la bonne soupe, il faut y mettre des bines. Des bines, des grosses bines, des petites bines, des moyennes bines, des petites bines, il faut des bines. Oh, des pâtes, des grosses pâtes, des petites pâtes, des moyennes pâtes, des petites pâtes, il faut des pâtes. Oh, du riz, du gros riz, des petits riz, des moyens riz, tout ça de riz, il faut du riz. Oh, des pois, des gros pois, des petits pois, des moyens pois, tout ça de pois, il faut des pois. Oh, des choux, des gros choux, des petits choux, des moyens choux, tout ça de choux, il faut du choux. Du sel, du poivre, de la cannelle, du clou, du girofi, des feuilles de laurier. C'est pas mon avis, j'en parlerai toujours. Là, c'est pas mon ami, j'en parlerai toujours. Excusez-le. Ça fait oui les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait oui les oiseaux et danser les écouets. Ça ajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait oui les oiseaux. Ça fait oui les oiseaux. Oui les oiseaux. Un chanson d'amour, c'est comme louper un avion. Ça fait battre le cœur des filles et des garçons. Une chanson d'amour, c'est l'oxygène dans la maison. Tes pieds touchent plus ma tête et on l'invitation. Si y'a de la pluie dans ta vie, tes oiseaux fait peur. La musique est là. Toujours mélodie pour les jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça vaut de bonheur. C'est magique, on reprend tout ton cœur. Ça fait oui les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait oui les oiseaux et ça fait les écureuils. Ça ajoute des couleurs aux couleurs de la cachette. Ça fait oui les oiseaux. La tête pleine de souvenirs. Les soirs de pleine lune et les moments de plaisir. T'es revenu chez toi et tu veux déjà repartir. Pour trouver la force qui n'a pas dû finir. S'il y a de couilles dans ta nuit, t'es l'âme dans ton cœur. La musique est là pour ça. Y'a toujours mélodie pour les jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça vaut de bonheur. Des éclats de rire. Ça va bien, vous? Hey! Belle soirée en stéréo! Hey, dis pas des mots trop difficiles, mon Jacqueline, là. C'est la première. Tu digères pas déjà ta crème fouettée. Mais oui, mais c'est ça! Oui, je l'ai déjà mentionné à sa belle-mère. Pas de crème fouettée dans la dinde. Dans la difformité intellectuelle, il y en a de plus en plus, et il y en a de plus, et il y en aura toujours. Oui, ça, c'est vrai. Toujours. Imaginez-vous, madame, mademoiselle, monsieur, l'underground gronde depuis le début de ma vie. Encore la preuve hier, j'ai livré des denrées à l'endroit le plus connu à Québec, dans le milieu un peu plus... un peu moins... vous savez, là... quand les gens commencent à avoir une petite peur, là. Pas une grosse, juste une petite, là. J'ai des frissons. Alors, ça commence, là. Ça commence à être de l'intrigue, là. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, tu rentres dans le clandestin, puis c'est là l'intérêt. Clandestin, c'est depuis Elle l'a pas encore trouvé, là, mais Al Capone. Hey, douce la rousse, la bousse la rousse. Et puis, la preuve, c'est que hier, je suis allé porter des André, des André, des Jean-Claude, des François Prépus, des Claude Bislonnette, les grosses trottinettes et les scooters électriques. Mais des denrées à l'endroit le plus connu à Québec pour les fêtards, les artistes et tous les chats gris, parce qu'on dit que tout hein, la nuit, tous les chats sont gris. Va pas là à 22h, tu vas payer ta bière beaucoup plus cher. Là. Continue, salé d'un bar. Elle commence à faire du fric vers 2-3 heures du matin. Là. Même un petit peu avant, là, une heure. Là. Avant de la bière. 355 millilitres de bière. 5$. Trois fois le prix. Bouteille de vin. 20$. Et tout ça coûte 10 pièces. Je suis allé, je suis allé rencontrer cette dame-là. Là, une vieille dame. Même la police, là, a dit, ah, écoutez, vous commencez à vous égrener, madame. Bon, arrêtez ça, là, la prison. Puis même quand on vous passe les menottes, même vos menottes passent au travers des menottes. Elle est capable de disloquer la menotte, elle, mais même à se l'égrène. Ah, oh, ben oui. Puis là, les policiers, avant ça, ils la tiraient pendant la main. Ils étaient en avant, puis ils la tiraient en arrière. Puis ils se rendaient compte qu'il n'y avait plus de traînée. Ils se retournaient, puis madame, l'underground, elle, était plus là. Mais non, elle s'était fait égrener la main. Tellement qu'elle est vieille, tellement vieille. Moi, je rentre là. C'est toujours des sous-sols, hein? Les incorruptibles, les yachtenaises, les bars clandestins. C'est pas au troisième étage, là. C'est en dessous, dans l'underground. Fait que là, je descends dans l'underground. Et je voyais que le plancher était sale. Je dis, voyons, on dirait un endroit public, là. J'étais au courant, mais plus ou moins. J'étais innocent, un innocent. Le peuple québécois, en général, est très brillant, mais moi, j'étais un innocent. Moi, j'ai été colonisé trois fois. Ah, mais trois fois la même blonde, la même copine, la même amoureuse. Puis là, elle savait comment me prendre à chaque fois. Elle se trompait, c'est comme la nuit de la marmotte. Pas la nuit de la barbotte, de la marmotte. Madame Marmotte. Marmotte. Mar, comme une mare de sang. Motte, comme une motte. Votre motte. Mais pas votre motte à vous. Vous n'avez plus, mais votre motte. Moi, te le dire autrement, là, c'est Marmotte. C'est un film avec Bill Murray. Quand on est dans le cinéma. Cinéma, là, dans les années. Ça a commencé en 1895. Le projecteur filmait également à l'époque. Les Frères Lumière, Edison, grosse compétition à un moment donné. Là. Dans le coin droit, mesdames et messieurs, dans le coin droit. Attention, pesant 58 livres d'insignifiance. Louis et Auguste Lumière. Oui, attention. Et à l'opposé. Monsieur Edison. Un trois rond à finir. Qui a inventé pour la première fois le cinématographe? Edison ou les Frères Lumière, et croyez-moi, on va mettre la veilleuse. Hey, ça, c'était intéressant à l'époque, hein? Puis quand, là, je l'ai dit à plusieurs, mais peut-être que ce soir, vous êtes des premières brebis galeuses qui cherchiez une autre station et vous êtes arrivés là-dessus. Ça fait rire les oiseaux, ça fait rire les chiens. Qu'est-ce que c'est ça? Le AM est rendu au FM. Voyons. Non. Errance canadienne, ça a toujours été un peu. Ça peut être rock. Voyons donc. Rock and roll, au même titre que le chanteur de manger le micro, parce que j'ai monté le pied. Là, vous ne pouvez plus me voir, je ne fume plus, mes amis. Je ne fume plus. Mais je n'ai jamais fumé de ma vie, moi. Ah, heureux de ne pas fumer. Pour ça, je peux faire des voyages à Paris. Je ne fume pas, mais. Hein? 2-3 ballons, puis hey, on est parti vers le ciel. Ça fait rire les ballons, ça s'en va vers le ciel. Ah oui, des balayas, des tigas, des tigas. On panique. Hein? Allô? Oui. Et puis, donc, je m'en vais. Je m'en vais dans l'underground chez la vieille dame qui vend la bière du fond. Pipon de me pipon. Pierre. Mais après ça, j'ai redescendu 3-4 boîtes de même. Et la vieille dame était au fond, assise dans son fauteuil. Elle se berçait. Puis je dis bonjour, madame. Oh, bonjour, jeune homme. Bonjour. Là, je dis c'est Rénal. Bonjour, Rénal. Sans le savoir, je parlais à la femme la plus exceptionnelle à mes yeux, là, qui prenait la loi, et que ça la passait où je me la passe assez souvent. Cette vieille de 4 qui s'égrène, tu la regardes, là, en Égypte, là. En Égypte, ce qui se passe, les statues là-bas, là, ça n'a rien à voir avec la vieille dame que j'ai vue hier. Ça me faisait penser au film où j'ai vu Galabru faire un petit passage de 3-4 minutes à Bienvenue chez les Ch'tis. Vous savez, là, on lui demande un conseil, puis on le voit un peu comme Marlon Brando dans Apocalypse Now, là. Dans le fin fond de l'obscurité. C'est comme ça que je l'ai vu, la dame. Il n'y avait pas beaucoup d'éclairage. C'était obscur. Elle a beaucoup de chats. J'ai amené bien de la litière. Le plancher était bien crasseux. La vieille dame était bien vieille. Puis son bredouin était bien amoureux des garçons. Tout le monde était bien là. Puis moi, je regardais ça, puis quand je racontais ça à mon public, là, je vis une pas pire épopée. Ma vie, je veux pas la changer, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Le monde me fait sourire constamment. Bon, c'est un petit moment que j'ai voulu vous faire partager. Je vous ai fait partager ma vie en réalité. Hey, il y a quelques semaines, il y a une petite fille dans une épicerie qui marchait, mais vraiment très ludique. Puis elle se dirigeait vers les sucreries, puis elle a dit « Oh, le paradis des bonbons, me voici! » Hey, ça ressemblait à Alice au Pays des Merveilles. J'ai pris ça en note. Il faut que j'en parle à mon émission. C'est fait. La difformité intellectuelle. 2015, difformité. 2014, difformité. Depuis ma naissance, difformité. Moi-même, difforme. Difforme. Ils m'ont dit, là, non, ouais, à la fin, tu vas être au moins 250 formes. Ce qui me plaisait dans mon ancien générique, là, c'était Antonin Artaud. Il disait, vous me verrez sur 10 000 aspects notoires. Et à travers tout ça, vous verrez un corps neuf ou vous ne m'oublierez jamais. Là, je paraphrase, là, et c'est un peu aussi ma ligne de pensée, ma ligne artistique et ma ligne radiophonique. Elle dirait, hein, faire radiophonique? Phonique. Ours, brebis, chèvre, chimpanzé. Faune. Mais, oh, j'ai oublié les... Ah, oh, mais oui, les petits écureuils. Les petits écureuils, là, il y a 3 semaines, je vais vous expliquer, madame, je roulais à pied avec ma... Parce que je me pratique en chaise roulante. Je vais finir mes jours en chaise roulante. Fait que, tu sais, ça fait à peu près, depuis l'âge de 10 ans, je me suis procuré tout ça, là. Puis là, ça devient très, très à la fine pointe. Là. C'est pas la vieille chaise roulante, là, avec les bras, là. Non, c'est le guidon, mais... Tu peux fumer ta cigarette. Là, je faudrait que je commence à fumer la cigarette parce qu'il y a même le cendrier à côté de ma chaise roulante. Là, je me pratique. Je dis, quand ce sera le moment, je serai déjà prêt. Là. Je tourne les coins. Puis, je me trouve pas mal bon. Avance, arrête, monte. Puis je me dis, admettons que je suis quadriplégique. Quadriplégique, 4 affaires qui ne marchent pas. Comment je vais faire? Avec la bouche. Puis là, je peux même mettre la manette dans ma bouche, puis parler en même temps. Oui, ça va bien. J'ai passé une bonne journée, mais tu sais, ta sauce à spaghetti, là, ben, mets moins de sel. Et pense après chaque bouchée. Merci beaucoup. Ouais, c'est très bien. Ouais, OK. Ben, là, je mange pas de spaghetti, éponge pas. Et ben, oui, on t'a pas. Tu coûtes pas cher, hein? Tu vois pas cher non plus. Continue ton... Mais tu vas t'améliorer, soit vers le pire ou vers le mieux. Il va se passer quelque chose. Mes amis, je vous en fais 5 dollars. Mes amis, je vous en fais 5 dollars. Votre curiosité est partagée. Et vous serez récompensé. Pas du tout. Oh oui, je voulais me faire plaisir. Un petit plaisir. Normalement, il n'y a pas de chanson là, à travers mes introductions, mais là, je me suis dit, cette année, celle qui m'a plu pendant Belle Lurette, puis Belle Lurette, là, rapidement, là, c'est plus que maintenant. C'est sa petite chanson-là, puis avec la voix de ce gars-là, puis une reprise de ce chanteur-là. Tout ensemble, là, ça me fait tellement vibrer. J'espère que ça va vous faire la même chose. On y va? 1, 2, 3. Jusque en haut des cuisses, elle est beauté. c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de galère dans les cheveux. Be in the shows, baby. À chaque mouvement, on entendait les clochettes d'argent de ses poignets. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot. Maria. Be in the shows, baby. Ben écoutez, vous venez d'écouter. Ce que nous avons entendu, c'est une chanson. Musique et... est-ce que j'ai de l'écho encore? Hein? Musique. OK. Musique et texte, Serge Gainsbourg. Interprété par mon ami, un homme que j'adore, que je trouve exceptionnel dans le monde musical et même théâtral, Iggy Pop. Donc, tout ça ensemble, sur l'album de Lulu, le fils de Serge, ça me réjouit. Une autre chose qui me réjouit un peu moins, non, là, c'est l'inverse, c'est le noir. Pourquoi le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Autrefois, les oiseaux étaient blancs, tout blancs. Un matin, corbeaux et arfans s'amusaient ensemble sous l'igloo. L'igloo. Il est de nôtre. Il a imité comme l'igloo. C'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai. Comme chaque jour, il jouait avec les petits os d'une nageoire de phoque à Inuguet. Et puis après ça, qu'est-ce qui se passait? Donc, ah oui, fuck, un jeu que les Inuits aimaient beaucoup. Ils disposaient les os sur le sol et les assemblaient, tantôt pour reconstituer la nageoire, tantôt pour représenter un traîneau avec des chiens ou un igloo. Oui, le traîneau. Mais non, c'est pas vrai. Et toute une famille. Mais les deux amis se lassèrent et décidèrent de changer le jeu. Ah ouais, écoute, moi, il me semble qu'il n'est pas trop tard pour modifier toute structure ludique. Explosons notre imaginaire dans cet espace de plaisir et de loisir. Hein, papa, un moment, un petit grand-maman, vieux grand-papa, c'est... Voyons donc, il y a des courts-circuits, mais oui. Jouer, c'est pas le problème. Ah oui, tantôt pour représenter un traîneau, un chien, un igloo, la famille! C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais les deux amis se lassèrent et décidèrent de changer de jeu. Et le but, j'ai une idée, dit un des... J'ai une idée, si on jouait à se peindre le plumage, proposa le corbeau à l'arfan. Ouais, ouais, ouais, ce serait très drôle, mais comment faire? Hein, c'est là la question. Toutes les... On veut jouer, mais comment? Hein? On joue au docteur, on joue au plombier, on joue à l'incendie à Rio. J'ai 21, tu veux pas vos cartes, Madame Tremblay? Non, c'est pas le bingo, c'est pas le temps, les quatre coins, attention, minuit chrétien, c'est l'heureux solennel. Les idées, j'ai une idée très propre. Normalement, j'ai des idées sales, moi. C'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai. Voyons donc, j'ai pas été baptisé, moi. C'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai. Même la sainteté... La sainteté me l'a dit. C'est pas vrai. Ben oui, elle m'a appelé hier. Elle était... Moi, j'étais déjà prêt dans le punch, moi, là. J'ai dit, on va trouver des... Parce qu'il y en a un radiophonique humoristique, Coco. Coco m'a déjà appelé parce qu'il était là-dedans à un moment donné dans la radio, lui. Puis il dit, oui, le problème, là, c'est que tu parles, mais il n'y a pas de punch. Il n'y a pas de punch. Fournissez-vous à boisson, monsieur Coco? Il dit, non, moi, c'est juste les œufs. C'est vrai. Bon, OK, donc, propose. On a du plaisir. Moi, j'en ai. On a du plaisir. On a du l'agrément. C'est pas vrai. Ben oui, on en a volonté, madame. Il y a des chiens, puis ils sont pas rentrés à Paris. Non, c'est des loups. Tantôt, pour reconstituer la nageoire a été faite. Je pense bien à madame Igloo et toute sa famille. Mais les deux amis puis là, ils se disaient, voyons, donc j'ai une idée. On va se dessiner. On va jouer sur le corps, là. On va se taponner de la peinture. Là. Ah! C'est du bumping picture car body. En français, c'est du lavage de pas de cerveau, mais de corps à corps. Corps à corps avec moi! Corps à corps avec moi toujours! Corps à corps avec moi! Corps à corps avec moi toujours! Vive, vive! Laisse vivre! Laisse-moi! Bon, la serre décida de changer de jeu. J'ai une idée. Oui, ce serait drôle, mais comment faire? Dans les igloos, bien sûr, il n'avait pas de peinture sous la main. Mais beaucoup plus sous les pieds, parce qu'il marchait dans la boîte. Ah, il y en avait de la peinture, ça... Oh, mais c'est pas de la boîte, c'est les igloos, c'est de la neige. Oui, mais pendant tout l'été, c'est de la neige. Le printemps, c'est de la neige. Oui, comment ça? C'est quoi cette histoire-là? Est-ce que c'est vrai, monsieur? C'est pas vrai. Ben, sans doute, là. Mais dans les igloos, bien sûr, il n'y avait pas de peinture sous la main. Bon. Mais le corbeau est du gras de phoque et pour obtenir une sorte de peinture noire très onctueuse. Onctueuse. Un mot onctueux. Si tu veux, on peut être onctueux. Toi et moi. Si on appelle ça l'osmose onctueuse. Oh, es-tu peureuse là-dessus? Toi, es-tu peureux? As-tu peur? Une petite crainte. Hein? Oh, ton œil frétille. Non, mais je vois ton intérêt et ton inquiétude. Hein? Oh, mon Dieu, t'es fonctionnaire public. Au provincial, j'espère. Provincial, fédéral. Fédéral, moi, c'est Rénal. Aucun. Non, c'est pour la liberté du Québec. Puis vive le Québec et puis le Canada. Pfff. Hein? C'est pas vrai. Ben oui, le Canada, ben voyons donc. Bon, on reviendra pas là-dessus. Bon, la peinture, la main, le corbeau, les mélangeurs, la suie de la lampe à l'huile avec du gras de phoque. Ils obtenaient une sorte de peinture noire très onctueuse, là. Toi, ce soir, là, t'es-tu onctueux? Madame, êtes-vous onctueuse, là? Ah, oh, regarde-la. Oh. Vous verrez, vous êtes de la suie, comme disait Brel. On se croit mèche, mais on n'est que suif. Donc, corbeau malin mélange la suie, lampe, l'huile, sorte peinture noire onctueuse. Ils la versèrent dans un petit récipient en pierre à savon. Leur nouveau jeu pouvait commencer. Oh! C'est Corbeau qui se lança le premier. Il tira une longue plume de son aile gauche, la plongea dans la peinture noire et se mit à l'ouvrage, comme Riopel qui adorait peindre les oiseaux. Ça ressemblait à du Van Gogh. Mais lui, il ne s'est pas arraché l'oreille, non? Il s'appliqua tant et si bien qu'aujourd'hui, Arfan porte encore le magnifique touche noire que Corbeau lui a peint sur les ailes. Ça y est, j'ai fini! C'est pas vrai! Ben oui, c'est vrai! Tu peux maintenant te regarder dans la glace! Arfan s'approche du bloc d'eau douce gelée qui, dans l'igloo, sert de fenêtre et de miroir. Il admira son effet. Ses nouvelles ailes noires et blanches lui plurent. Mais là, la chanteplure n'avait pas chanté. Et la brebis n'avait pas galé. Et la vache n'avait pas vaché, s'est vaché devant la TV. Puis il dit, hey, il n'y a rien ce soir, mon amour. Qu'est-ce qu'on fait? Faisons ce qu'on doit faire normalement. C'est bon. C'est pas vrai. Ben, voyons donc. Leur nouveau portrait, bon, magnifique, touche, il touffe. Et puis, ça y est, c'est fini. Tu peux maintenant regarder la glace blanche pleure. Bon. Oh, bravo, c'est magnifique. Et puis maintenant, l'Arfan des Neiges est devenu un corbeau et le corbeau mangea l'Arfan des Neiges. Aujourd'hui, madame, mademoiselle, messieurs, le temps est passé. Le réveillon perdu. Et c'est pour vous dire qu'on cherche la feuille. Oh, il est là. Il est là. Mon ami Éric Vincent, c'est mon invité. Éric Vincent est né à Forcé, à Mayenne, le 27 juin. Est un auteur, compositeur, interprète français. Il fait des tournées dans 140 pays, dont l'opéra de Manus au Brésil. J'ai dit Manus. Au moins, je n'ai pas dit l'autre, là. Manus, bon. Manus, ouais, oui, je m'en excuse, madame. Ma Brésil, l'opéra de Hanoï, au Vietnam. Moi, dans ma soupe, j'aime bien dire. Hein? Non, c'est une petite. On va le couper au montage. Montez pas ça. Non, c'est un chevaux. Non, c'est des chevaux très, très sauvages. C'est un cheval qui ne terminera pas sa course. Vous risquez de. Ouais, ils me l'ont. J'ai eu un appel, puis votre passé sera beaucoup plus présent maintenant, puis vous allez le regretter jusqu'à la fin de vos jours. Quadra. On m'a dit Quadra. Pardon? Quadra, oui. Ah, c'est vrai, oui, Quadra. Et puis, regarde, la chaise est là. Moi, je me suis pratiqué au niveau buccal. Je l'ai dit tout à l'heure. Non, mais c'est parce que moi, j'ai comme un gel permanent. Pas au niveau du cheveu. Oui, je sais. Normalement, c'est les cheveux. Oui, vous avez raison, madame. Oui. Vous êtes capillicole? Vous piquez. Oui, mais c'est normal. Non, pas à ce moment-là. Vous picolez? Si vous picolez, restez chez vous, là. Barré à double amour. Bon, j'arrive. Bon, Éric Vincent aborde la musique à l'âge de 7 ans avec le banjo, mandoline, puis des études classiques. Et Rance Renadienne l'a rencontré pour la deuxième fois en 2015. Un homme extrêmement intéressant. Puis j'ai arrêté de vous placer dans des réflexions intenses. Hein, madame? C'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai, Éric Vincent est là, avec moi, la preuve. Hey! Well, I've been a-working hard the whole week along, and I'm a-gonna have some wine, women, and song. I gotta work next week, but that's all right. I got $5 and it's Saturday night. A music and dancing, flirting and fun. It's gonna go on till we pass the one. I'm gonna go where the lights are bright. I got $5 and it's Saturday night. Gonna have fun tonight. Gonna get right tonight. Everything'll be alright. Because tonight it's Saturday night. Hey! Let other folks wonder what the future may bring. I'm gonna have fun and feel no pain. My pants are ragged, but that's alright. I got $5 and it's Saturday night. gonna go on till we pass to one. I'm gonna go where the lights are bright. I got $5 and it's Saturday night. Gonna have fun tonight. Gonna get right tonight. Everything will be alright because tonight it's Saturday night. Hey! Let other folks wonder what the future may bring. I'm gonna have fun and feel no pain. My pants are ragged, but that's alright. I got $5 and it's Saturday night. Down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what, I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too, and if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet you're gonna regret, cause I'm the best there's ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. Opened up his case and he said, I'll start this show. And fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. Finished, Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, does your dog bite? No child, no. The devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best there's ever been. He played, fire on the mountain, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. The chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, will you dog bite? No child, no. C'est consacré à la chanson depuis le début. Ah oui, toujours. Okay. Mais il a fait plein de choses. Il a un fils qui est un bon guitariste, Thibaut. Mais non, lui, c'est un monument, Patrick, et qu'on ne connaît pas beaucoup. Tu vois. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il y a quelques-uns qui sont... Parce que... Alors le problème, c'est que les mecs qui avaient du talent, quand moi j'avais 20 ans, qui étaient des copains de début pour la plupart, je pense, et je ne vais pas citer de noms, mais je pense qu'ils se sont beaucoup abîmés dans ce showbiz. Qui abîme les gens à force de les obliger à faire ceci ou cela. Je vois Joe, quand il a refait ses albums chez Virgin, ils l'ont obligé à faire des duos. Et il prenait des pincettes avec Joe, parce que Joe, c'était une personnalité forte. Hein, ça avait été quand même le Milord de Piaf, ça avait été... Ah ouais. Et puis lui-même, le Métec et le reste. Mais malgré tout, il a quand même... Bon, ça l'a amusé. Mais faire un duo, il a fait un duo avec Kali, avec je ne sais qui. Bon, attends, mais... On est quand même dans des trucs... Il n'y a plus de respect. Et donc, la plupart, moi, de gens que j'aimais beaucoup, qui étaient des copains, on faisait partie de la même équipe, on aimait bien ce qu'on faisait réciproquement. Mais aujourd'hui, je suis un peu déçu en la plupart. Et Patrick, pour moi, il est neuf. Quand il m'a envoyé ça, il y a malgré un an à peu près... la dure épreuve... Alors, lui, il est... Ça l'a pas aigri. Le problème, c'est ça le truc. C'est que lui, il n'a pas été propulsé au niveau de Jonas et de Lavilliers et des autres. Non. Lui, il est resté... je ne veux pas citer de nom et j'en non, cite. Non, non, non, non, écoute. Mais je ne l'ai pas fait tout à fait innocemment. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. On fera un montage si tu veux. Fais pas de montage, rien à foutre. Okay. C'est parfait. Bah, on y va de même. Mais Patrick, voilà, il est neuf. Il y a un gars que j'aimais beaucoup, j'ai un peu perdu de vue, mais qui était pareil, un peu underground, c'est Antoine Thomé, tu le connais Antoine Thomé? Non. Un gars qui faisait des choses formidables. Gilbert Lafaille, est-ce que tu connais? Oui, je le connais, c'est un ami, mais Gilbert, ben, formidable. Je le raconte à toi après, toi. Ah bon, bah il sera ici dans quelques minutes. Ah bah super! Il m'a dit, combien de temps ça prend ta rencontre? Ben j'ai dit, si on considère qu'Éric Vincent vient à Miss Émission, il peut prendre 2 heures, 2 heures et demie. J'ai dit, ça peut être entre 60 et 2 heures et demie. C'est toi qui décides. Il est simulé à rire. Hey, j'ai 10 questions. OK, mais pour lui aussi, ça a commencé sur le tard, en 89. Gilbert, avant de faire un succès Buff. Oui, en 89, non. Avant d'être connu au Québec. Au Québec, aux États-Unis. Oui, non, mais ici, avant. Ah oui, avant, oui, en 75, 76. Oui, oui, oui. Oui, mais oui. Pour être reconnu mondialement, ça a pris jusqu'à 89. Non, mais Gilbert, talent. Beau talent, Gilbert, super. Mais, Est-ce que tu le vois souvent? Oui, de temps en temps. Okay. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas vu. Mais on correspond, on s'aime beaucoup. Et on va voir si les questions que je Excuse-moi, je m'éloigne du micro, je sais non, pas non, si... Non, mais ça capte tout à l'heure, tu vois que les leçons vont se mettre. Il y a 3 ans, je t'ai demandé les mêmes questions, mais on va voir si tout ça a changé, on ne sait pas si tu étais... Et je sais bien, très bien ce que tu avais dit pour la première. D'accord, ben vas-y. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Le kir. Le kir. Sais-tu que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu avais dit l'absinthe? L'absinthe? Oui. Ah oui, c'est parce que je venais d'écrire Alfred, ah, voilà. La chanson pour Alfred Jarry, et que tu sais que je suis originaire de la Mayenne, comme Alfred Jarry, de la même ville, et que pour Alfred, l'absinthe, c'était... Important. Alors là, c'est le kir. Le kir, je dis, voilà. Pourquoi? Tu as écrit sur le kir récemment? Peut-être parce que c'est un métissage de boissons. Oui, c'est vrai. En bois-tu souvent? Oui, Marie. Mais tout à fait. J'ai un peu éliminé les alcools durs. Okay. Et pour tout dire, l'absinthe, je pense que ma réponse, elle était tout à fait dirigée par le... La chanson. J'étais vraiment en immersion avec Jarry. Mais le kir en apéro, j'ai oublié un peu, depuis un bout de temps, je prends plus d'alcool dur. Le vin. Donc voilà, le kir, c'est du vin et du cassis. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu plus... Non, pas plus costaud, plus léger, justement, c'est moins alcoolisé qu'un whisky ou n'importe quel autre alcool. Ah oui, ça c'est 40 degrés. Donc voilà, et le kir, c'est une bonne transition avec le vin qu'on va boire après, parce que j'aime beaucoup boire du vin à table. Oui. Si tu étais une ville... J'étais une ville? Rio? Rio, ben oui, ben en plus c'est ton projet, on dit, mais ça te fait plaisir de retourner là-bas? J'y retourne l'année prochaine. Oui, je sais, mais ça te fait plaisir. Oui, comment tu sais que je retourne à Rio? Ben, j'ai suivi ton actualité par un ami interposé, je te dirai pas mes sources. Ah bon, d'accord. Je te dirai pas mes sources. Mais donc, ça te fait plaisir de refaire tes... Rio, c'est une ville qui m'a... Qu'est-ce que j'avais répondu la première fois? Ah là, je sais pas. Moi, je me suis juste accroché à l'absinthe. Rio, c'est une ville qui, pour moi, est un des sites les plus beaux au monde. Ce Christ du Corcovado qu'on voit dans le lointain, là, c'est vraiment... Ça a de la gueule, Rio. À côté de ça, c'est une ville aussi un peu infernale, où la sécurité est difficile, c'est emmerdant, ça. J'aime bien marcher, moi, j'aime bien fouler le sol des villes sans avoir peur de... De recevoir une balle. Voilà. Et Rio, c'est pas toujours... Ah, moi, j'ai bougé souvent avec beaucoup d'imprudence dans toutes ces villes-là et j'ai jamais eu de problème. Peut-être aussi parce que je ne trimballe pas non plus des choses qui donnent aux gens envie de m'agresser, mais j'en sais rien. À part une guitare, et puis on ne sait pas si c'est des non, fusils. Non, mais un jour, ouais. La dernière fois où j'étais au Brésil, mon ami Ricardo Villas, qui est retourné au Brésil maintenant, qui dirige les programmes d'une station de télévision, TV Brasil, et on sortait justement d'un TV et radio, d'un programme radio que je venais de faire chez lui. Et quand on est sorti de l'émission, on devait aller bouffer un morceau dans un resto qui n'était pas loin, qui était à une ou deux rues. Et je voulais y aller à pied, avec ma guitare. J'avais ma Martine sur le dos. Et Ricardo m'a dit, t'es fou, non, on t'emmène. Parce que on se balade pas dans les rues avec une guitare. Voilà. Et ça m'avait surpris, en fait. Même si je savais déjà que c'était une ville qui avait ses risques, mais voilà. Bon, à côté de ça, ça reste une très très belle ville. Et les Brésiliennes sont belles. Oui, mais ta femme sera là aussi. Et si tu étais une langue? Si j'étais une langue? Une langue de chat? Une langue de chat, ok. Une langue, je serais l'indonésien. Ok. Si tu étais une époque? Une époque, je pense que malgré tout ce que l'on vit de bien désagréable, ça serait la nôtre, le présent. Celle que j'ai vécue. As-tu le goût des... Celle que j'ai vécue. J'ai vraiment le... J'ai un peu... J'espère que je me trompe. J'ai un peu des craintes pour le futur. J'ai vraiment le sentiment qu'on a... Ma génération a bénéficié de plein de choses. Je sais pas comment tu perçois. Toi. Oui, mais c'est ça que j'allais dire. Vu ce qui se passe, as-tu le goût d'écrire pour donner ton point de vue sur ce qui se passe actuellement? Ben, je le fais en général. Ouais, mais... Je le fais de temps en temps. Ouais. Un peu plus. Si je me remets à écrire, il va sûrement y avoir des choses qui vont transpirer. Et probablement. Mais je me suis rarement placé en partisan et en militant ou en révolutionnaire. Okay. En révolté, toujours. Oh, ouais. Toujours en révolté, mais pas souvent en révolutionnaire. Okay. Et je continuerai, je pense, surtout aujourd'hui où je me sens un peu plus paumé qu'avant. Ah oui? Un peu plus paumé qu'avant au niveau de mon opinion par rapport à ce qui se passe dans le monde. Okay. Je comprends. Il y a des choses que je comprends vraiment pas. Des violences que je ne comprends pas. Je comprends pas comment des choses comme ça peuvent arriver. Quand on coupe la tête à un mec dans l'histoire de Lyon, là. Oh, ouais. Attends, c'est fou, hein. Et c'est pas un acte isolé. C'est Si tu étais une époque. Ben, à l'époque, ce serait. On l'a dit, oui. Ouais. Si tu étais un mot. Si j'étais un mot, l'amour. Ah oui, toujours l'amour. Ouais. Si tu étais un aliment. Un aliment, le tartare de saumon. C'est vrai que c'est bon. Ah, oui, c'est bon, oui, c'est frais. Mais il faut que ce soit bien apprêté. Oui, il faut que la mer soit, les océans soient encore propres pour qu'on puisse avoir des saumons. Oui, oui, consommables sans aucun problème. Voilà. Si tu étais une saison. Le printemps. C'est frais, c'est plus frais que maintenant. Ouais, printemps, ouais. Ouais. J'aime bien toutes les... En clair, j'aime bien toutes les saisons. Mais surtout que le printemps, c'est... J'aime les saisons, en fait, j'aime les saisons. Toutes les saisons ont leur... J'aime les saisons, et je dis cela parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de saisons, qui n'ont pas ces quatre saisons marquées comme nous les avons. Et ça, j'apprécie ça. La peur, la haine, un ange trier les mots, ces lignes sont écharpes de laine pour te garder le cœur au chaud. Je te veux toute ma folie, tigresse qui déchire mes reins, chaque fois qu'on se réconcilie. qu'on revient de tellement loin. On revient de beaucoup trop loin. Je t'aime, tu m'aimes. Oh, on s'aime, je sais. Mais on est seul, toujours seul. Je t'aime, tu m'aimes. Oh, on s'aime, je sais. Et nos corps cherchent l'absolu. Ta d'ivresse sous le toit, petit volcan au contrôle, stress de détresse. Le ballon devient rouge sang. Je n'ai rien trouvé qui te ressemble en creusant dans ma vie tempête. Est-ce le doute si mes doigts tremblent lorsque sur tes lèvres il s'arrête, lorsque sur tes lèvres il s'arrête. Je t'aime, tu m'aimes. On s'aime, je sais. Mais on est seul, toujours seul. Je t'aime, tu m'aimes. On s'aime, je sais. Et nos corps cherchent l'absolu. Carlingue qui m'éloigne de toi. J'ai le mal de ton corps. Cette maladie là ne se soigne car overdose d'amour à mort. Dans la marée noire des torpeurs qui uniformise la fadine. Mon amour, l'amour sans pudeur, est encore le plus beau défi. La seule condition à la vie. Je t'aime, tu m'aimes. On s'aime, je sais. Mais on est seul, toujours seul. Je t'aime, tu m'aimes. On s'aime, je sais. Et nos corps cherchent l'absolu. Je t'aime, tu m'aimes. On s'aime, je sais, mais on est seul, toujours seul. Je t'aime, tu m'aimes. On s'aime, je sais, et nos corps cherchent l'absolu. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. J'ai dans notre maison de la Mayenne, on a une petite haie de charme. Je ne sais pas si tu sais ce que sont les charmes, mais ils changent à chaque saison. Et ça, j'apprécie beaucoup. C'est ça. Bien, c'est un spectacle. Y compris ce passage automne-hiver, qui est peut-être la période rouille un peu plus triste au niveau des couleurs. Mais voilà. Souvent là-bas. Quand j'en ai le temps, ce qui n'est pas très fréquemment, pas assez fréquemment. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel. Le premier qui me vient à l'esprit, je ne peux pas le dire. Celui du mâle, c'est ça? Le phallus? Le sens olfactif, le nez. Le nez, ok, oui. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée, 16 heures. Pour l'apéro? Non, 18 heures. On va dire 18 heures. Ouais, ouais. Parce que c'est au moins deux apéros pour se rendre à 18. Non, et je pensais aux couleurs en fait. Okay. Mais je me suis trompé en disant 16 heures. Les couleurs que je voyais dans mon esprit, c'était plutôt 18 heures. Dès que les couleurs deviennent or. Ouais, voilà. Ouais. Si tu étais un autre individu. Si j'étais un autre individu, je ne me suis pas posé la question. Non, pas encore. Tu serais toi-même. Oui, mais je crois qu'on a déjà beaucoup de mal à devenir soi-même. Donc C'est le but. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Oh, sûrement, sûrement. Même si parfois il y a des événements où tu te dis on aurait peut-être pu. Mais j'ai pas de regrets, moi, non, pas du tout. Non. Et qu'est-ce que tu prépares hormis. Ben, c'est déjà beaucoup. Est-ce que ça demande beaucoup d'énergie, tes spectacles? Ah oui, oui, moi plus ça va, plus c'est difficile. Non, mais non, mais sur scène, je me défonce beaucoup. Est-ce je que fais tu partie. Alors, avant de partir, j'ai besoin de. Oui, de la muscu, tout ça. Pas la muscu, le souffle. Ok, marcher. Donc le souffle, oui, mais j'ai eu des petits problèmes de souffle moi aussi, pas comme Georges, mais. Donc je fais de la piscine, je fais de la natation, je fais ça assez régulièrement pour entretenir mon souffle. Et c'est vrai qu'avant de partir en tournée, par contre, je me remets pendant 15 jours en état. Vraiment l'état de chanter. Parce que quand on chante comme ça pour les copains, ce que je fais, c'est pas la même chose que quand on se met derrière le micro. Voilà, donc je me prépare, j'ai une bonne quinzaine de jours avant où je me mets en route. Après, une fois que je suis en tournée, la répétition, elle est chaque soir. Hein, donc le fait d'être sur scène, c'est, voilà, c'est bon. Est-ce que pour toi, c'est libérateur faire de la scène? Ah, c'est un acte de fusion, d'amour, de moi c'est là, de mais fusion presque d'amour physique presque avec le public, c'est une communion, c'est quelque chose dont j'ai besoin et oui, c'est le jour où je pourrais plus faire ça, ça va être un manque. C'est de la même façon que moi, à une époque, à Paris, j'étais dans tous les coups de cabaret. Puis j'ai décidé d'arrêter un jour. C'est moi qui ai pris cette décision. Et ça m'a coûté quand je suis revenu de toutes mes tournées dans le monde et que je n'avais plus, ces possibilités de me. Et je ne voulais pas le refaire non plus parce que je voulais. Bon, c'est une question. Mais c'est un plaisir. C'est sûr que j'ai jamais la notion d'effort, de fatigue ou de même si c'est un gros investissement physique, bien sûr. Ouais. Du début de ta carrière jusqu'à maintenant, est-ce que tu vois une signature? Est-ce que tu vois un message, quelque chose qui revient? Est-ce qu'on sent Éric Vincent à chaque époque? Ou si tu y penses pas? Je crois, on le dit. Et toi, je pense qu'il y a des. Oui, il y a des thèmes principaux qui sont. C'est toujours le. Oui. Besoin de l'autre, de communiquer avec l'autre, de fusionner avec l'autre, ça reste toujours ça. C'est toujours ça. Moi, j'ai. Bon, bien évidemment. C'est pour ça que je suis quand même un petit peu. Moi, j'ai cru, quand j'avais quelques années de moins, que le monde allait s'améliorer, qu'on allait. Ouais. Qu'on abattait les frontières, qu'on. Et en fait, quand tu vois aujourd'hui comment chacun se recampe dans son petit domaine personnel, élevant des murs autour de lui pour se séparer du voisin. Lorsque tu prépares un album, est-ce que tu peux surprendre ou poursuivre une continuité? Le dernier album, il y a eu une grande unité, à mon sens, mais il n'y a pas de règle. Hein. L'histoire Taylor, c'était. Bah oui, il y avait un thème, il y avait une. Ouais, oui, il y a toujours un fil conducteur. Il y a un moteur, il y a un truc qui te lance sur des rails et c'est clair que tu vas dans une voie. Et donc tu ne veux pas surprendre, tu veux plutôt faire une continuité de ton œuvre. C'était dans ce sens-là que tu veux. Oui. Non, tu veux dire faire un surprendre pour. Au niveau médiatique. Au niveau musical, surprendre quelqu'un. Peut-être abandonner la guitare, rajouter peut-être du clavecin ou rajouter de la flûte ou surprendre ton auditoire. Dire je croyais pas que. Ou mettre des instruments avant. Pas comme ça. Okay. Ça. Moi, au départ, j'aime bien ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot. J'aime bien ne pas remarcher sur mes traces. Donc automatiquement, mais je veux moi être dans un milieu musical, si on parle musique, qui va me porter à me donner l'énergie à porter ce que je crée à ce moment-là. Et donc dans ce sens-là, est-ce que ça surprend ? L'important, est-ce que c'est bien de surprendre les gens ? Est-ce que c'est bien de surprendre les gens ? Ce qui est bien, c'est de les toucher. Toucher, voilà. Toucher, effectivement, c'est vrai. Et à travers les mots, est-ce que le discours a changé ou tu essaies d'offrir la même écriture? J'essaie rien quand j'écris. Je me relis, je me critique, j'aime bien jouer avec les mots. Il y a des, c'est sûr qu'il y a même parfois des choses dont j'ai la conviction profonde qu'elles ne seront pas comprises. Il y a des choses complètement ésotériques qui n'est compris que par toi. Qui n'est compris que par toi. Je me souviens, et alors quand t'expliques l'histoire, mais tu vois, c'est surtout pas un calcul d'être efficace, mais un truc qui me vient à l'esprit, dans la chanson « Faut-il encore 2000 ans » que j'avais faite sur la musique de Taylor. Je recherche la phrase. Ah, je ne sais plus la phrase. Je fais un jeu de mots avec l'alignement. C'est pas vrai. Voilà. Je savais que tu venais. Oui, je l'ai annoncé. Bien. Alors, Gilbert. Salut Gilbert, ça revient. Bonjour Reynald. Bonjour mon ami. Le monde est ici. Alors, je suis arrivé. Enfin. Ah, c'est pas par où tu t'es du grand bagnole, toi? Non, train de banlieue et métro. Moi, je me suis planté sur le métro parce que la 12 avait été fermée à la Concorde. Donc, je suis arrivé avec un tout petit peu. Hier, c'était la ligne de train qui était fermée. Oui, parce que quelqu'un s'était tiré. Non. Ils étaient avec des thermomètres sur les rails. Ah. Ben, je vous le jure. C'était ma ligne, la ligne J à Saint-Lazare. Ils étaient avec des thermomètres sur les rails. Parce que les rails étaient à 50 degrés et au-delà. Le trafic a été supprimé pendant plusieurs heures. Non, mais tu dis ça, tu as l'impression que... C'est surréaliste, hein? Oui. C'est surréaliste, hein, oui. Un mec avec un thermomètre sur le rail. Eh oui, mais on est rendu là. Mais non, alors faut que Reynald gagne et vienne là pour qu'on sache. Ça fait un bout de temps que je t'ai pas vu. Ben oui, alors moi, je vais commencer par un Perrier. Badois. Badois. Son Pellegrino, Vittel, un grand seau d'eau sur la tête. Your eyes ain't got no chance, you steal my heart. Every time I taste your smile, an angel takes me to the stars. Tell me, how can I see all the colors of the rainbow if you don't stay right here with me? Ain't got no chance to be. world we were. I'm on the ground, I hit the ground. Thank you, Mr. Otis Spann. Inside your soul, I found my sound. Tell me, how can I see all the colors of the rainbow? With you, you'll stay right here with me. And got the chance to be. Says, baby, please stop drinking now. I want to be la mida en italien. Accompagne-moi à Rome ce soir. Now remember what we were. I'm on the ground, I hit the ground. Thank you, Mr. Otis Spencer. Your soul, I found my soul. Tell me, how can I see? Le temps qui passe, partir avec le monde qu'on aime. C'est dur de faire le deuil d'un as, d'un modèle, d'un poème. C'est dur de voir le vent qui tasse l'avenir d'un simple souffle dans l'aile. C'est dur, un père qui part au bord d'apprendre à dire « Je t'aime, Daniel ». Clair, l'amour qui passe dans ton petit cœur de petit gars qui voit la vie comme une fête. Juste un cœur, pas d'armure, pas de peur. C'est pur, c'est clair, même si ça se casse à mesure du chemin qu'on mène. C'est dur choisir une vie qui passe ailleurs que you, ton monde t'amène. C'est dur parce que le temps qui passe part avec le monde qu'on aime. Tout est temporaire. J'espère juste que la mort l'est aussi. J'espère juste que la mort l'est aussi. Jean-Marie Granger. Fernand Granger. Christian Granger. Joël Granger. Ghislain Granger. Cécile Winter. Maurice Boucher. Gaétan Boucher. Oh, oh, oh, oh, oh. L'hiver est temporaire. La vie est temporaire. J'espère juste que la mort les poussie. J'espère juste. Je m'ennuie de vous autres, l'autre bord de la côte. Dites-moi qu'on s'attend. La vie, nous autres, les uns aux autres. Comme un châtiment. Je m'ennuie de vous autres, l'autre bord de la côte. Dites-moi qu'on s'attend. Alors Gilbert, ça va? Ben ça va. Et depuis combien de temps vous vous êtes pas vu? ça fait un moment. Quand est-ce que tu es passé La dernière fois, c'était à l'enterrement de Moustaki. Oh! C'est l'enterrement de jeu. Le 23 mai, il y a 2 ans. Ouais. T'as vu, on vient de perdre Eddie Louis, là? Oui, Eddie, oui. Eddie, Marc Stecker aussi. Ah, je le connaissais, Marc Stecker, il est mort quand? 2 jours avant. Ah, j'ai pas su. Moi, j'avais travaillé avec lui. Je le connaissais pas bien, mais je le connaissais un peu. Eddie, c'était un bon copain. Son fils a repris, Frank Stecker. Il jouait avec Juliette, notamment. Ah oui? Ouais. Que j'ai rencontré il y a 2 ans. Oui? Incroyable, cette femme. Ouais. Je l'ai rencontré au café du Bataclan. Ouais. Elle reste tout près. Donc, je l'ai rencontré là. Au départ, elle m'avait demandé est-ce que la rencontre risque d'être longue. Bon, j'ai dit non, 60 minutes. On a parlé pendant 2h15. Au début, bien sûr, elles sont moins disponibles, mais plus tu parles. Puis en plus, elle avait déjà visité Québec, elle voulait prendre des renseignements. Est-ce que cette salle-là existe encore? Et c'est ça qui est fabuleux. Hein? Je regardais ma montre parce que pour voir la comparaison du temps. Hey, est-ce que tu te souviens ce que je t'ai dit par rapport à la durée? J'ai dit ça dépend. Avec Éric Vincent, ça peut durer 2h30, 3h. Voire plus. Voire plus, oui. Oui, c'est ça. Plus si affinité. Voilà, exactement. Est-ce que vous ne voyez pas souvent? Non. Non. C'est des moments malheureusement tragiques. Non. Lorsqu'on se rencontre, c'est pour des moments... Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est... Je pense aussi qu'il y a une... il y a la vie à Paris. Puis il y a aussi pas mal une question d'âge. C'est sûr que quand on a 30 ans, on sort plus. On bouge plus. On sort plus. Oui. On va voir s'il n'y a pas des filles qui traînent ici et là. On s'invite chez les copains. Bon, 30 ans, 40 ans plus tard. On les fait venir à la maison, les filles. On a un peu fait le tour de la question. On a de la peine à marcher. Fait chaud. Oui. On se retrouve à poser des tables. Non, mais t'habites où maintenant, toi ? Colombes. Ah oui, t'es toujours à Colombes. Ouais. Toujours à Colombes. J'ai changé de maison. Je pensais. Mais non, mais la fois, tu vois, j'avais oublié qu'on s'était revu à l'enterrement de Joe. Moi, je me souvenais quand je suis allé t'écouter. Comment s'appelle la boîte ? J'étais avec Brian. Vers les Halles, là où tu avais chanté. À l'Essayon ? Ouais, à l'Essayon. J'avais fait un bon. Ah bah depuis, j'ai fait l'Européen. Ouais, mais là. Mais t'étais pas là ? C'était quand l'Européen ? C'était il y a un an et demi. C'était à quelle époque ? Novembre. Ah oui. Je suis aux États-Unis. Je suis dans les États, moi, à ce moment-là. Tous les automnes, je suis en tournée, tu vois. C'est bien. Donc c'est ça. Ah oui, tu as fait l'Européen, c'est bien. C'était bien passé ? Très bien. On a fait trois jours ? Trois jours, ouais. T'as réussi à remplir ? Ah, c'était plein. Mais j'ai réussi à perdre de l'argent aussi. On en perd toujours. De malgré les subventions, il y a les subventions qui donnent. Oui. Bah, tout qu'on fait. Non, en faisant le plein et tout. C'est pas faire le plein, il faut faire l'affichage. Faut faire un disque. Et tout qu'on fait avec, en faisant plein, avec les subventions, avec une vingtaine de dates. Je suis pas encore à l'opération blanche. Je vais y arriver. Dans un an, je serai à l'opération blanche. En comptant les droits d'auteur et tout. Mais bon, pour te dire... Si la SACEM tient la route. Ben, j'ai rencontré celui qui dirige encore pour trois semaines la SACEM. Le parolier d'Alain Bachon. Lequel? Ben, il y en avait juste un à la fin. C'était Jean Fauque. Ah, Jean Fauque? Oui. Ouais, j'ai... Et il dirige la SACEM? Oui, oui. Il est membre actif. Il fait partie du conseil d'administration. C'est ça. Et dans trois semaines, son contrat s'arrête. Il ne peut plus réinvestir le rôle pendant un an. Il le reprendra après l'année. Non, je sais parce que j'en fais partie aussi. Donc, voilà. Il fait partie d'un des 16 administrateurs. C'est ça. Mais par ailleurs, il y a un directeur et un gérant. Oui. Donc le conseil d'administration, oui, ils sont 16. C'est Laurent Petit-Girard qui le préside. Il surveille... Laurent Petit-Girard, c'est qui ? C'est un parent ? Chef d'orchestre. Ah oui, d'accord. Compositeur. D'accord. Tous les Nestor Burma, c'est lui qui a composé. Il dirige au Concert Colonne. D'accord. Musique contemporaine. Puis, il a un CV comme ça. comment il s'appelle ? Ah, ça, si tu m'en dis pas plus. C'est ça, on le connaît pas, celui-là. Ben, on le connaît beaucoup, hein, merde, mais... Claude Lemel, il est toujours là, ça ? Claude Lemel, il est honoraire maintenant. Il a arrêté parce qu'il a fait plusieurs mandats. Il a dit qu'il arrêtait, mais il est. Il a été président avant. Avant Petit Girard, il y a eu Jean-Claude Petit. Claude Lemel, Petit Girard. Et là, il a fait encore un an, puis c'est Jean-Claude Petit qui va revenir. Mais la SACEM, moi, j'ai tellement de... Avec les États-Unis, c'est qu'ils gèrent rien du tout. Mais c'est plus ce que c'était non plus, hein. L'univers du disque... C'est-à-dire que... Quand tu vois, moi, un jour, on passe dans une... Je reviens de tourner, j'apprends par des copains que je suis passé. Olivier Mine m'a passé, paraît-il, à 8h. C'est Antenne 2 ou TF1, non ? Passe un titre. À une époque, j'avais écrit l'indicatif de l'émission Jeudi Champion avec Gilbert Richard. Et tu te souviens de cette période-là. Et je chantais la chanson avec les Four Bones, c'était Fonsec, François Guin, et en direct. Donc il me passe, mais il parle de moi, il me passe pendant 3 minutes. Et mes copains me disent ça quand je reviens, c'était il y a 3-4 ans de ça, tu vois. Donc, Antenne 2, c'est Antenne 2 ou TF1, Olivier Mine ? Enfin, l'un ou l'autre. Ça fait des droits à 20h. J'oublie de me rétribuer. Je marque, moi. Moi, quand même, on me dit, t'es passé tel jour. J'oublie de me rétribuer. Et tu vois, on en est là, quoi. À une époque, À une époque, tu faisais un bal, tu notais tous les titres qui partent. Bon, ils ne peuvent plus faire ça. Mais bien. As-tu été payé? As-tu été payé? Ils m'ont payé par la suite, okay. Avec 2 ans de retard. Et puis, hein. Mais et pour les États-Unis, j'ai fait des réclamations. Ça, c'est le système américain. Toi, moi, je suis au copyright à Washington, en plus, tu vois. Et aux États-Unis, on a un autre problème. C'est que... Moi, ils ne déclarent rien, les mecs. Pourtant, je fais des salles qui sont... c'est pas 40 personnes, tu vois. C'est entre 500 et 1000 tout le temps. Mais ils ne déclarent rien. Alors, c'est l'habitude. Je ne vais pas les dénoncer, dénoncer une tournée. Tu vois, c'est ça la complication. Alors, mais un jour, à Las Vegas, ils me font un coup de jarnac. Ce qu'ils me font de temps en temps maintenant, ils me piquent 30% à la base de mon cacheton. Il y a une grosse discussion alors qu'il y a un accord entre la France et les États-Unis. Sur, il y a l'article 12 qui fait contre la double imposition. Et si tu déclares tes impôts en France, les trucs en France, tu ne peux pas. Bon, bref, ils me piquent quand même les 30%. Alors, en te disant, tu fais une déclaration USCIS en mars demandant le remboursement, ils te rembourseront, tu refais ton truc. Bon, j'avoue que. Je déclare pas tout à fait tout là-bas, donc je me lance pas là-dedans, mais je dis je vais les baiser. J'étais en aide de lumière, tu vois, c'était à Vegas le truc. Ah ouais, ouais. Et mon nom, et donc photo, j'envoie la SACEM. Je dis, voilà, j'ai fait un concert à Vegas, et réponse des États-Unis. Je sais bien que c'est les États-Unis qui me disent, ah non, il faudrait qu'on ait une tournée, on va pas réclamer pour un concert. Et j'ai touché Peanuts. J'ai eu la même chose pour 3 émissions de télé sur WGBH. Boston, c'est quand même un public. Et répéter, tu vois, pareil, ils reconnaissaient que j'étais passé, mais non, mais je suis pas parti les sondages. Il y a 2 sociétés de droit aux États-Unis. Oui, mais... Tu es dans les 2? Non, mais moi, je suis au copyright à Washington. C'est la SACEM qui défend mes droits. Donc, je ne m'adresse pas aux Américains. C'est la SACEM. On a trouvé une astuce avec Brian récemment. J'avais appelé le conseil juridique de la SACEM. Je lui ai dit, paye pas l'endroit d'auteur. Moi, attends, depuis le temps que je tourne aux States tous les ans, j'ai fait le calcul, j'ai passé plus de 7 ans sur le sol américain en tournée. Attends, c'est additionnant, tu vois. Ah, c'est important. J'ai jamais touché. Attends, par contre, j'ai touché des droits quand j'étais publié sur les manuels scolaires, tout ça. J'ai eu des accords, et quand ils m'ont filé des chèques, il y a ça. Mais et donc, là, j'avais appelé le mec de la SACEM, j'avais dit, est-ce que je peux? Pour pas qu'ils me baisent à nouveau, parce que surtout les universités d'État, sur les cachetons, est-ce qu'on peut dire que ça n'est pas un cachet, est-ce qu'on peut dire que ça, ce sont des royautés qui couvrent ça, ça, ça et ça, et dont les neighboring rights et les droits d'auteur. Le mec de la SACEM m'a dit non, on ne peut pas faire ça, parce que vous êtes défendu par la SACEM. Mais à la fin du discours, il m'a dit, mais entre nous, faites-le. Et donc, moi je mets ça maintenant, voilà. This amount is not a fee, it's covering neighboring rights, tous les droits. S'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'ami, il n'y a rien, tu vois. Et puis, j'arrive à m'en sortir. Je me suis quand même fait baiser, là, sur un concert qu'on a fait à Providence, ils m'ont piqué les 30%. C'est lourd, hein. Non, ouais. En fait, tout peut être prévu en amont, en aval, pardon, en amont. Oh, la chaleur. Tout peut être prévu sur ton contrat. Sauf que les Américains, toi, c'est ta logique et c'est la mienne, les Américains, les universités d'État, ils te refont parfois signer un contrat, mais c'est après on doit laisser. C'est leur contrat à eux, selon leur règlement à eux. Oui, mais beaucoup de gens qui essayent aussi, mais... après, c'est une question de rapport de force. On va débattre avec ça. Tu fais la tournée ou tu la fais pas. Non, alors, sur les États-Unis, donc... mais c'est pareil dans plein de... Et je vois l'argent que je perds parce que j'avais eu une tournée au Brésil, il y a longtemps de ça, où j'avais pas été payé et ils m'ont payé après, ils m'ont filé un paquet de pognon. Et j'ai eu la même tournée à peu près en équivalence de concert et de au Mexique. Et là, j'ai jamais été payé. Là, ça s'est même demandé. J'avais filé les articles de journaux. Alors ils me demandaient les noms des organisateurs. Je ne vais quand même pas moi donner le nom de chaque organisateur. Mais c'est ça, c'est une question de rapport de force que tu es prêt à faire ou pas. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Cet air

des souliers de plomb. Sur une étoile vérité, mais fornez-moi lorsque le monde aura changé, lorsque le monde aura changé, lorsque le monde aura changé. Attends, l'SSM a été pire de là-dedans, ils me l'ont fait avec Radio France. Les Radio France locales, quand j'ai sorti, je sais pas si le dernier album, il y a eu un album où j'ai sorti. Non, c'était l'avant-dernier, puisque Batty vivait encore. Ils me demandaient, j'ai reçu un coup de fil à 9h30 du matin, une lettre de la SACEM, qui me dit est-ce que vous pouvez demander aux responsables des programmes de Radio France de confirmer que vous êtes passé, alors que j'avais envoyé, tu sais, ils t'envoyaient des petits papiers en disant vous êtes programmé tant de fois par jour, tu sais. Attendez, vous me réveillez d'abord à 9h30 du matin, ensuite vous voulez que moi j'aille appeler, on a du mal à vendre notre salade, j'aille appeler le responsable des programmes, qui confirme qu'ils m'ont bien programmé. Ça c'est alourdi. Mais il y a beaucoup de mauvaise volonté, hein. Tu sais, il y a un dixième du budget de la SACEM qui passe en contentieux avec les gens qui ne veulent pas payer. Les huissiers, les relances, ouais, y compris en France. Les téléphones, les lettres, les huissiers, les discothèques, tous les bals, tous les gens qui trichent, qui ne veulent pas payer. Mais moi, ma SACEM, elle est moins importante que ma Smedina et mon Adami. Bien moins importante, mais beaucoup moins importante. C'est assez amusant, ça, quand même. C'est assez étonnant. C'est fou. Par contre, un jour, j'ai été programmé sur la Channel 4, donc Channel 2 en Angleterre, un truc à la mire là. Putain, j'ai touché du blé d'Assassin, il y a des années de ça. J'ai touché du blé. C'était la meilleure époque. Tu vois, tout est passé, 4 titres qui sont passés pendant des mois et j'ai touché. Non, t'as enfin, des pays où ils gèrent vachement bien, quoi. Enfin, clair. Ça dépend aussi des accords qu'il y a entre l'Assassin et la société de droit dans le pays étranger. Et aussi du rapport de force qui existe entre la SACEM. Là, entre la SACEM et les deux sociétés américaines, les Américains, ils sont plus forts. Il n'y a rien à faire. Oh, c'est joli ce carillon. À chaque fois, c'est super. Effectivement. On entend la Marseillaise le matin et à midi. La Marseillaise? Oui. À l'église? Oui. Oui, je l'ai déjà enregistré. Ah oui, c'est fort, super. Ça fait c'est super. Fort. J'adore. Et les carillons, ouais, mais c'est peut-être pour les touristes. Est-ce que tu connais Radionomie en Belgique? Je finis avec SSM comme toi, t'es branché. Radio? Radionomie. Non. C'est un site d'hébergement des radios du net. Il y a énormément de radios de net qui dépendent de Radionomie. Tu dois connaître ce truc, Radionomie. Oui, oui. Et Radionomie, c'est une société qui est en Belgique, qui est censée payer les droits d'auteur. Moi, avec le dernier album, il y a au moins une vingtaine de radios qui me passaient, mais je sais pas, entre 5 et 10 fois par jour. Et tu n'as pas eu un sou? Ça sème, pour l'instant, je n'ai pas eu un sou. Et je ne réclame même pas. Est-ce que je devrais réclamer? J'en sais rien. Ben oui. C'est encore du travail, ça, du côté bureaucratique, ça n'arrête plus. En plus de préparer des tournées, écrire des chansons, c'est vraiment un combat de tous les instants. Non, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher l'argent maintenant. Oui, mais c'est essoufflant, tu ne peux pas tout faire à un moment donné. Non, mais même pour l'Assassin, je veux dire que c'est 10 fois plus de travail. Il y a déjà 1500 salariés. 1500 salariés? Oui, avec le numérique. En plus, si tu veux, mais là, il y a tellement de gens qui ne veulent pas payer maintenant que c'est au niveau juridique. Parce que il faut les amener en cours, les gens qui ne veulent pas payer. Oui, mais il y en a qui font exprès. Enfin, ils font tous. Ah oui, oui, pour prolonger. Prolonger. Ils existent, après ils deviennent intouchables. Ah, oui, même chose. Enfin, bon, mais c'est... Ça s'étouffe tranquillement. C'est l'histoire de Uber aussi, pour les taxis. C'est là. Ils arrêtent, hein? Ils arrivent... Non, ils n'arrêtent pas. Ah, j'ai lu tout à l'heure. L'application. Uber Pop, mais pas Uber. C'est juste l'application. T'es sûr de ça? Oui, oui, oui. J'ai lu ça tout à l'heure, que Uber... Ils sont dans tous les pays du monde. Même en France, je veux dire. Non, ils ne vont pas arrêter. Nous autres, ça existe depuis un an au Québec. Ça n'existe pas au Québec? Oui, ça existe depuis un an. Ah, un an au Québec. Cette application-là. Tu as un téléphone intelligent, OK? Tu vas chercher l'application. Et lorsque tu as besoin d'un taxi, tu presses sur le bouton, le GPS se met en fonction et tu vois le taxi qui va arriver pour venir te chercher. Ah ouais. Et tu n'as même pas à dire à quel endroit tu te trouves, le GPS va... Et tu sais que le taxi est à une lumière rouge et dans 5 minutes, il sera chez toi ou il sera à l'endroit où tu te trouves au Québec. C'est fou, hein? Mm. Et chez nous, il n'y a pas encore autant de... Il n'y a pas encore autant de virulence, mais nous, on est lent. On a été colonisés deux fois, donc on est lent. Mais quand on se fâche, ça fait mal. Mais on est très gentil. Il y a un humoriste français qui disait qu'on était trop gentil. Franck Dubosc disait, parce qu'il vient souvent chez nous, on est des gens trop gentils, comme si on pouvait être trop gentil. C'est d'une débilité qui va avec le personnage. Mais c'est ça. Donc, l'application existe depuis un an et... Il n'y a pas eu aucun remue. Il n'y a pas eu aucune réplique pour les taxis. Mais pourquoi j'ai mis ça tout à l'heure sur Internet? Oui, mais là, parce que c'est pas parce que c'est indiqué sur Internet. Il y a Uber et il y a Uber Pop. C'est Uber Pop qui est interdit. J'ai eu Uber, moi. Uber, en disant que les taxis se méfiaient de cette annonce-là, qu'ils avaient été condamnés. J'ai eu Uber. Hein. Regarde sur Internet. Ouais, mais quelle source? J'ai vu ça tout à l'heure avant de venir. C'est l'un ou l'autre. Hey, est-ce qu'on peut prendre une photo? On ça prendra un taxi qui ne me prenne pas le soir quand je les appelle à 2h du matin. C'est ça. Alors, on va prendre une photo. Nous sommes... Avec Gilbert, ben oui! Ben oui, ben oui. Et j'envoie ça sur notre Facebook et comme ça... Et comme bon, je suis content de te voir, dis donc. Comme ça? Ah oui, comme ça. Comme celui-ci. Ah, c'est le selfie, alors. Ah, ben voilà, alors, ça va être très, très bon. Voilà. OK, super. On y va, on sait jamais. OK. OK, dernière pour la route. OK, parfait, merci. Excellent. T'as vu le pro? Oui, j'ai vu ça. Bien sûr. On dirait que je suis tout seul sur mon étoile. Merci. Bon, ben, je vais vous laisser causer maintenant. Ben, Eric, toujours. Et puis la prochaine fois, oui. Viens sur le bateau. Oui, oui, j'irai goûter. Combien je dois, là? Ah, c'est moi qui paye. Fais-toi en pas. Merci à la production. Fais-toi en pas. Et toi, ben oui, toi, manifeste-toi aussi. On est là. Hein, j'ai vu Brian, de temps en temps. On se voit généralement en janvier, quand il vient. Et puis... Il va revenir... Été, je pense qu'il va revenir faire un petit tour. Oui, ils ont un truc en Normandie, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Bah, il est emmerdé avec sa baraque de Garibaldi. Tu sais, il y a une loi qui est passée. Quand tu peux plus louer si tu n'habites pas 6 mois dans le truc. Et Brian, il est un peu frileux, donc il n'ose pas le faire. Et il a lu quelque part qu'un mec avait été condamné à 25 000 euros d'amende. C'est un mec qui avait plusieurs apparts. Hein. Moi, j'ai dit à Brian, mais ils sont frileux là-dessus. Et c'est une loi qui est un peu tordue parce qu'il faut créer une société, je ne sais pas quoi, un truc complexe. Donc, ils le louent plus, en fait. Oui, ça lui faisait des revenus. Oui. La route, elle est plus simple ou pas? Ouais. Bon, sinon, tu as des choses prévues là? Merci. Qu'est-ce que j'ai prévu J'écris des choses là en ce moment, mais... C'est bien, toi, lui il écrit au moins. Moi j'écris plus, lui il écrit. Toi tu t'en vas tourner, ouais. On peut pas tout faire. Je suis en train de ranger aussi. Ça fait un an que j'ai commencé à ranger, vider ma maison. Dans l'idée de la vendre. Mais voilà, c'est un an que j'ai commencé. Et tu vas aller où? Je sais pas. Mais toi, je suis tout seul maintenant. Ah bon, tes filles, elles sont où? Ben, elles sont grandes. Elles ont quel âge? Ben, 26 et 23. Oh la vache. Donc, je suis tout seul dans 300 mètres carrés. Oh la vache, alors elle... Oh putain, c'est... Alors, voilà. Vois, je m'attendais à 17, 18... Le temps passe, hein. Le temps passe, incroyable. Il y en a une qui est à New York. Il y en a une qui est à New York? Qui a fait des études... Ah, mais je me demande si Brian m'a pas dit ça. Elle a fait peut-être, ou toi, peut-être. Elle a fait des études de théâtre et d'art plastique. Et il y en a une autre qui a fait du cinéma et de musique, qui est musicienne. Elle est au Conservatoire de Paris maintenant. Elle fait quoi? Elle compose, elle chante, elle joue du piano, elle fait, elle fait de la percussion, elle fait... c'est une musicienne. Une femme orchestre. Puis elle a fait une école de cinéma auparavant. Elle a fait une thèse sur... sur la musique de film aux États-Unis en 1950, à travers les films d'Hitchcock surtout. Étude musicale. Elle voudrait se dessiner à la musique à l'image. Et sa sœur aimerait rassembler sa passion pour le théâtre et celle pour les arts plastiques. Dans la création, tout le monde est dans la création grâce au papa. Notamment peut-être amener les nouvelles technologies numériques dans le décor théâtral. Très intéressant. Voilà les enfants. Hey, papa regarde ça avec intérêt. Papa est content alors, les filles. Papa est content, donc il veut vendre la grande maison. Mais papa est nostalgique, on dirait aussi. Ah, moi je suis inconsolable de mon enfance et de l'enfance de mes enfants. Bon allez, je vous laisse causer tous les deux. Bon Eric, alors voyeux. À bientôt. À plus. T'es toujours sur ta péniche? Nous on est toujours au même endroit. Donc oui, on pourrait s'appeler, se faire un petit. Bah oui. Petit dîner. Avec un bon petit gorgeon. Hein. Salut Eric. Salut. À bientôt. Faire son entrée dans la ville en selle sur son vieux char. Bang, bang, bang. Aller foutre le bordel sur les grands boulevards. Bang, bang, bang. On met ce qu'on a de mauvais dans un coffre-fort. Bang, bang, bang. Faire une brèche dans la crèche avec un pétard. Bang, bang, bang. Des fois ça fait du mal, des fois ça fait du bien. Y'a personne de parfait, on peut-tu bomber un peu? Aller tricher aux cartes pour jouer avec le sort. Bang, bang, bang. Apprendre à enfreindre la loi du plus fort. Bang, bang, bang. Avoir un problème, aller régler ça dehors. Bang, bang, bang. Et puis perdre la game, pas de problème tant qu'il y a de la bagarre. Bang, bang, bang, bang. Des fois ça fait du mal, des fois ça fait du bien. Y'a personne de parfait. On peut-tu Chris, on peut-tu Steve, on peut-tu saillir en paix. Un verre de tequila à la dernière fille du bord. Bang, bang, bang. Un maximum d'amour, un minimum d'effort. Bang, bang, bang. Quelques coups d'un zèbre pour faire son territoire. Bang, bang, bang. Et puis reprendre la route jusqu'au bout, puis fondre dans le décor. Bang. Par derrière chez mon père, il y a un pommier doux, il y a un pommier doux. Les trois filles d'un plein sont endormies dessous. Les trois filles d'un parrain sont endormies dessous, sont endormies dessous. La plus jeune se réveille, dit ma soeur, il est jour. J'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tri, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, de l'orifferie, j'ai du zi, j'ai des zinzi, j'ai des zinzinés, j'ai des zinzous, j'ai de beaux soiseaux. Non, ce n'est qu'une étoile qui éclaire nos amours, qui éclaire nos amours. Nos amants sont en guerre, ils combattent pour nous. J'ai du grain de mie, j'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tri, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, rien fleurit. J'ai du zi, j'ai des zinzinés, j'ai des zinzos, j'ai de beaux oiseaux. Nos amants sont en guerre, ils combattent pour nous, ils combattent pour nous. S'ils gagnent la bataille, ils auront nos amours. J'ai du grain de bille, j'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tri, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, de l'orifferie, j'ai du zi, j'ai du zinzi, j'ai des zinzinés, j'ai des zinzous, j'ai de beaux oiseaux. Tu gagnes la bataille, ils auront nos amours, ils auront nos amours. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ils le seront toujours là. J'ai du grain de bille, j'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tri, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, l'orifferie. J'ai du tri, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, l'orifferie. J'ai du zi, j'ai des zinzi, j'ai des zinzinés, j'ai des zinzous, j'ai de beaux oiseaux. C'est drôle les chansons, comment ça vient au monde des fois. Un jour, il y a quelqu'un qui a mis ce petit texte sur mon piano. Du haut de son tabouret et le cœur aux aguets, elle se perd de vue dans le brouillard. Elle se sent perdue au fond du bar. Les désirs blafards allument leur phare à tout hasard dans la fumée bleutée des cendriers. Vous savez, moi, parfois, je bois. Et là, il n'y avait pas encore de refrain d'écrit, mais il y a une petite mélodie qui s'est mise à me tourner dans la tête. L'alcool qu'on renverse, mots inutiles qu'on déverse. Tu peux me faire croire ce que tu veux. J'ai besoin de savoir qu'on peut être deux. Phrases inachevées, noyées dans les verres de bière déserts. On se refait une beauté en poudre blanche. Ma vie est étanche à respirer. Prince Arthur, prince amant, prince charmant. Cette barre sourire, c'est pour s'offrir la chaleur et l'espoir quand vient le soir. Prince Arthur, prince Jean, prince tu vas. Ils s'en viennent, ils s'en vont, parfois c'est bon. C'est ma vie en suspens, l'amour en passant. Du ventre des haut-parleurs, la musique enterre la peur de se retrouver seul, tout seul, trop seul. La nuit se fait pâle, c'est le last call. Les désirs perdus se cherchent, dans la rue se prostituent. On fera semblant de s'aimer, les yeux fermés. Viens dans mon lit, juste pour une nuit. Prince Arthur, prince amant, prince charmant. C'est un barre sourire, c'est pour s'offrir la chaleur et l'espoir quand vient le soir. Prince Arthur, prince Jean, prince tu vas. Ils s'en viennent, ils s'en vont, parfois c'est bon. C'est ma vie en suspens, l'amour en passant. Débris d'hélice carbonisé, bruit des mots brûlés au phosphore. Guignol et ferry vitrifié sur la butte à l'heure où ça mord. Oberflic fureur dans la danse, Guignol en transe, valse et gamète. Rastaquaire de la survivance qui frappe le bulleux dans sa tête. Tristi grappataire effionté, la vadavouillère à côté. Gadouilleux camor, ils en rame, nous voilà de retour. À Céline Grave. Chibon motorisé tout naf dans les rues de Sigmaringen. D'un château l'autre importe des paves. Bien germaneux Hohenzollern en rentre son âme des profondis dans les vapes des gaz hilarants. La mort à crédit d'un clown triste, ça fait bonder Sartre et Vaillant. Tristi grappataire effionté, la baladouillère à côté. Gadouilleux cave mort, ils en râlent, nous voilà de retour. À Céline Grave. Seigneur des pères du Rigaudon, c'est le temps de mettre à la vague, le temps de voguer sur Meudon, loin des cachots de Copenhague. On entend les sirènes au port et les hiboux du cimetière. Très résonneux, je veux pas que ma mort me vienne des hommes et de leur manière. Tristi grappataire effionté, la vadavouillère à côté. Gadouilleux cave-mort, ils en rament, nous voilà de retour à Céline-Grave. Tristi grappataire effionté, la vadavouillère à côté. Gadouilleux cave-mort, ils en rament, nous voilà de retour à Céline-Grave. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.